Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas toujours facile quand on recherche du boulot. Elsa vit de petits boulots et cherche à décrocher un véritable emploi pour pouvoir obtenir la garde de son fils. Mathieu, son voisin de palier, enchaîne lui aussi les entretiens d'embauche avec un art consommé du ratage. Leur situation est de plus en plus précaire, mais tous deux s'efforcent de rebondir dans un monde qui ne semble pas fait pour eux. Et les études de lettres, vous êtes allés jusqu'où ? Je dirais à la fin du 19e siècle, les symbolistes. Non, mais je veux dire, vous avez un dog ? Si ça arrête des détails comme ça, les gens. Ça s'est bien passé, ton entretien ? Mais je me fais pas trop de soucis. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2004 ? Ça n'apparaît nulle part sur votre CV. J'ai beaucoup lu. J'avais du temps pour réfléchir. Je voulais être sûr de m'engager dans la vie active pour les bonnes raisons, en fait. Ça, qu'est-ce que tu veux là ? Je fais des sondages pour une campagne publicitaire. Pas super intéressant. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est déjà l'heure de la pause ? Ah mais non, mais... Tu te remets au boulot, là, Mathieu, hein ? Tu reviens jeudi ? Ouais. Si je saute, là, tu pourrais essayer de me rattraper ? Ouais. Putain. Non, franchement, je me suis fait mal. Bonne nuit. Pour moi, c'est pas le moment. Non, mais pour moi non plus, en fait. Ah bon ? 8 fois debout. Une comédie de Xabi Molia, un DVD TF1 Vidéo.